Info FM, l'événement du jour, l'ouverture du Festival de Cannes. La 64e édition du plus grand festival de cinéma du monde démarre aujourd'hui pour 12 jours et s'annonce exceptionnelle. À commencer par la projection, ce soir, du dernier film de Woody Allen au Palais des Festivals en avant-première mondiale. Le réalisateur new-yorkais est souvent venu à Cannes mais n'a jamais obtenu de récompense, pas étonnant. Il a toujours refusé d'être en compétition pour la Palme d'Or. La seule solution pour les organisateurs est donc de projeter ses films hors compétition. Il y a 10 ans, Hollywood Ending avait déjà fait l'ouverture du festival. C'est encore le cas ce soir avec Minuit à Paris qui va ouvrir les festivités. Cette comédie romantique avec Owen Wilson, Rachel McAdams et Marion Cotillard, qui a été tournée discrètement l'été dernier dans la capitale, est très attendue. Le public français a toujours apprécié les films et l'humour de Woody Allen. Les spectateurs avaient beaucoup aimé Vicky Cristina Barcelona, projetée hors compétition il y a 3 ans, et ils ont assez bien accueilli son avant-dernier film « Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu » présenté l'an dernier. On ne sait rien du scénario de Minuit à Paris, mais on parie que ce nouveau film connaîtra également le succès. Et maintenant, passons à la sélection. 20 films sont en compétition cette année.